Vous écoutez La Route du Chemin, la radio libre des Canards Sucristes, épisode 27 de cette cinquième saison. Vous allez écouter l'émission enregistrée le 12 décembre dernier, la rétrospective de l'année 2023. Et nous allons dévoiler pendant cette émission le palmarès de l'association, c'est-à-dire les jeux que nous avons préféré jouer, qui ont été votés par les membres, et avec un gros suspense pour le top 3 qui est très prestigieux et qui permet de relancer les ventes de n'importe quel jeu. Mais vous découvrirez également le jeu qui a été choisi comme étant le pire jeu de cette session et le label Découverte. Mais il est grand temps de lancer le générique. Bienvenue pour cette rétrospective de la Route du Rhum 2023, qui était un épisode un peu spécial, parce qu'un petit peu court, mais quand même on avait besoin d'un week-end pour jouer. Et on est avec Johan, on est avec trois membres du bureau. Johan, salut Johan. Salut à tous. On est avec Benoît. Ouais, salut à tous. Et on est avec Jean-Baptiste, qui a vécu sa première Route du Rhum avec nous. Salut à tous, je suis le petit nouveau. Retour sur cet événement assez rapidement. Globalement, je pense que ce qui était un peu chiant, c'était le côté court. On vient d'en parler parce que j'ai fini sur les rotules. J'ai joué non-stop sans m'arrêter parce qu'il y avait très peu de temps pour jouer. Et puis au final, un peu frustré parce que on finit. Ouais, je crois que c'était le sentiment de tout le monde. Hein. Effectivement, on s'est dit tous, on a deux jours, on va rien lâcher pendant deux jours. Ouais, d'habitude, on est allé courir quand même, mais d'habitude, on fait une promenade. Ouais, y a Guillaume, on t'entend, Guillaume. Salut, Guillaume. Salut. Voilà, donc ça, c'est pour la rétro. Et pour l'an prochain, donc on sait pas si on a encore le gîte, parce qu'a priori, ils font plus la presta bouffe. Donc, soit on fait une presta bouffe autre, soit alors on est quand même en recherche d'un lieu alors qui pourrait accueillir un peu plus de monde, et notamment sur des salles un peu moins bruyantes. Parce qu'au niveau logement, je pense que c'est assez impeccable. On est quand même pas trop mal logé, avec des petites salles de bain, et c'est au niveau tarif, c'est quand même intéressant. C'est vrai que tant qu'ils laissent la bouffe, c'est quand même une organisation simplifiée. La bouffe était quand même de qualité cette année en plus, hein, par rapport à l'année dernière. C'est pas mal. Les quantités, c'était pas mal aussi. Peut-être qu'il y avait manqué un petit peu quand même, un petit peu de rame, mais ça on pourrait le signifier. Mais ouais. Par contre, est-ce qu'ils vont laisser, c'est en discussion encore, est-ce qu'ils vont garder la partie bouffe incluse ou pas? Ça, pour l'instant, on n'est pas sûr, et ça serait plutôt non pour l'instant. Ouais, ça change pas mal de choses, parce que c'était vraiment un des attraits du gîte. Ils nous livrent quand même la bouffe, on a un petit peu le choix sur les menus. Bon, ils n'ont toujours pas compris que végétarien, c'était quand même sans viande, sans poisson. Mais bon, ça ouais. Peut se travailler. On n'avait que deux événements particuliers cette année, et pas de fil rouge spéciaux. Il y avait le tournoi de Wajik quand même. Je ne me souviens même plus de qui a gagné le tournoi de Wajik. C'est Balou. C'est Balou, comme par hasard l'organisateur, c'est ça? Ouais, enfin, l'année dernière c'était Cyril, si je ne me trompe pas. Donc, non, mais cette année, je crois que c'est Balou qui a gagné en finale contre Cyril, je crois. Mais d'accord. Je me trompe peut-être. Ouais, bah bravo à Balou qui aura son beau badge, pas du tout homologué, là, qui fait. Ensuite, on a eu le grand quiz qu'on a fait la semaine d'avant. Où là, c'est Xavier qui l'a emporté contre Benoît. Pour l'instant, on a chaque année... Contre Guillaume. Non, dalle, contre moi, c'est contre Guillaume. Attends. Ouais, je... Même si j'ai lamentablement perdu à cause d'une question à ramasse, là. Du coup, je l'ai réécouté, moi, et Benoît, franchement, c'était quoi, ton quiz alors, Harry Potter, là. Alors, je ne suis pas un gros fan d'Harry Potter, mais et je me suis dit, si je laisse ça à quelqu'un, il va cartonner dessus. Et en plus, c'est vrai que les autres thèmes ne m'inspiraient pas plus. Voilà, j'ai quand même fait des points avec. Hein. Ah oui, pas beaucoup quand même. Hein. Et donc cette année, la différence, on était trois à écrire les questions. Je pense que pour l'an prochain, je reprendrai, je le ferai seul, la rédaction. Je mettrai un peu de jus dessus. C'était sympa de les écrire avec Seb et Alexandre, mais coordination un peu chiante, et du coup, le niveau est un peu variable hein, sur les questions. C'est un peu relou. Il manquait un truc important quand même cette année. Les jingles. Ouais, je sais, mais techniquement, j'ai pas résolu le truc. Tu vois, là aujourd'hui, j'ai pas mis les jingles parce que j'ai fait un test avec Yoann 2 secondes et ça merdait au niveau du son. Donc je le montrais en post-prod aussi. Je sais, désolé. Il faudrait que je trouve un moyen, mais pour l'instant, avec Discord, j'ai pas trouvé. Qu'est-ce qui avait de changé? Il y avait les buzzers, ce qui a permis à Guillaume d'aller en finale. Très bien, le buzzer, très bien. Ouais, au lieu de gueuler ton nom, tu appuies sur le buzzer et c'est vraiment le plus rapide qui. Donc ça c'était très sympa. Enfin, ça a permis Guillaume d'aller en finale. Et on avait en demi-finale, on avait Benoît, Gabi, Manu et Guillaume, ouais voilà, avec Xavier. Ce qui me fait plaisir, c'est que ça soit que le buzzer qui me fasse aller en finale, quoi. C'est pas que le buzzer, mais disons que les autres années, je pense peut-être que tu serais allé plus loin avec un buzzer, quoi. C'est plutôt ça. Il y avait des arnaques techniques quand même. À la réécoute, je me disais que quand même, c'était pas très fair play. Et l'officier de la narine, qui était un concours d'odorama, géré de main de maître. C'était hyper dur. Il y avait combien d'odeurs à deviner? 20, 40, une quarantaine, un truc comme non, ça? Non, je crois pas, je crois qu'il y en avait 24. 24. Je ne me trompe pas. Ouais. Et c'est toi qui as gagné, Johan. Oui, ouais, c'est moi qui ai gagné. Et il y avait un prix, aussi junior, c'est Raphaël qui l'a eu. Et il a eu un score, ouais, il a eu un score très honorable, je sais plus, il fait 12 ou 13 ou 14 autour de ça. Donc c'est plutôt super. Oui, on avait avec Xavier, on s'était dit qu'on mettait un prix junior aussi, parce que c'était un peu compliqué de mettre tout le monde dans la même catégorie. Donc c'était moins de 14 ans. Non, ouais, bah, l'officier de la narine, ouais, bah du coup c'était assez difficile en effet. Après, ce que je pense que peut-être que j'ai eu une ou deux. Réponse que j'ai eue par déduction suite à des discussions avec d'autres, donc du coup peut-être que c'est un tout petit peu voilà, j'aurais de la triche. Peut-être pas de la triche, mais en tout cas ça s'est fait en concertation sur deux trois odeurs. Et après je connais Romain qui a fait le truc, et du coup il y a, une fois que j'avais compris un peu le fil rouge, ça m'a permis aussi de suivre un peu le fil rouge, parce qu'il y avait des trucs qui sont un peu liés aussi avec ce qu'il utilise dans la bière ou ce qu'il aime bien comme alimentation, etc. Donc du coup ça a un peu aidé peut-être. Voilà. Il y avait c'était principalement de la bouffe, et il y avait pas mal de trucs asiatiques ouais. Dans la deuxième partie, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, je l'ai trouvé assez relevé. J'ai vu les scores finaux qui étaient plutôt bons. Enfin, quand même pas mal de gens qui ont tiré leur épingle du jeu. Et c'est bien ce genre de fil rouge, parce que ça s'intercale très bien comme ça dans un petit week-end comme ça, quoi. Ouais. La prochaine fois, sur un week-end long, il faut qu'on ressorte le formulé. On est en train de causer aussi du Captain Sonar, parce qu'on n'a jamais réussi à faire un Captain Sonar correct. Mais voilà. Ouais, mais pour le coup, le Captain Sonar, ça va aussi avec une pièce un peu... un peu isolé, sinon s'il y a autre chose qui se joue en même temps, c'est mort, quoi. Vous voulez bien, on va passer au palmarès au... Le palmarès de la Route du Rhum 2023. On a fait un grand vote, tout le monde a voté. Il y avait un vote en ligne cette fois, 14 réponses en ligne, donc la moitié. Il y a le palmarès du meilleur jeu, mais il y avait aussi des votes pour le jeu Découverte. Qui n'appelait pas une explication plus que ça, hein. C'était vraiment un label découverte, quel jeu vous avez découvert et vous a semblé intéressant, même si peut-être qu'il ne rentre pas dans le top 5, dans votre top 3, d'ailleurs c'est un top 3. Et il va y avoir la catégorie pire jeu, qui ressemble jamais à rien, puisque bah, c'est un grand défouloir où les gens votent au pif contre juste pour troller. Mais voilà, elle existe encore cette catégorie, parce que c'est important de mettre des choses qui n'ont pas de sens aussi. Alors, je vais citer tous les jeux qui ont été nommés une seule fois. Comme c'est un truc spécifique à cette édition, c'est comme on n'a eu que deux jours, en fait il n'y a pas eu une liste de jeux énorme, hein. Je crois qu'elle est divisée par deux quasiment la liste par rapport à la dernière fois. Alors, ceux qui ont été nommés une seule fois, on a Brass, qui était déjà, c'est le Brass Lancashire, je crois, donc le premier Brass qui a été nommé une fois. Lacrymosa, qui est sorti une seule fois, qui est le jeu sur Mozart. Alors, j'ai fait une partie la semaine dernière. Très sympa. On a vraiment cette sensation. Enfin, la thématique est assez intéressante autour de revivre la vie de Mozart. Il y a des trucs qui qui sont un peu étranges, comme le parcours sur le plateau, qui est un peu en mode automatique. Mais sinon, jeu de ressources pas trop violent et assez sympa. Faut mettre en fond sonore les morceaux de Mozart qu'on croise. Et ça fait une soirée assez sympa. On a eu Project Gaia. Il y a eu Res Arcana qui a été cité une fois, lui qui a été bien placé dans les trucs précédents. Respublica, Ascension, Camelot, Paléo qui est sorti une fois aussi, Cascadia. Et dans les petits jeux, Camille, Love Letter, il y a eu Lunch Money. On m'a beaucoup parlé de Lunch Money, on m'a dit faut que tu joues, c'est hyper rigolo et je crois qu'il est sorti qu'une seule fois. Je sais pas si vous avez touché à Lunch Money sur le week-end. Lunch Money, c'est le truc où la petite fille se fait voler son. C'est pas ça ? Ouais, l'argent de sa bouffe. L'argent de sa bouffe, je sais, tout ça, ouais. On en a parlé aussi, j'y ai pas joué non plus. C'est vrai que c'était beaucoup plus fun qu'Exploding Kitten. Ça commence déjà. Alors, il y a eu Mindbug, il y a eu Perudo, et Uptown, et l'officier de la narine qui a été nommé qu'une seule fois. Et de fait, on arrive directement dans le top 10 avec ceux qui ont été nommés deux fois. Numéro 10. Top 10, il y en a une pelletée. Alors, il y a eu Ark Nova. Ark Nova, on en a parlé dans la dernière podcast de la Route des Jeux. C'était un grand espoir parce que c'est un petit peu. Je crois que c'est lui qui a eu le spiel, Ark Nova. Pas l'Asdor plutôt ? On a toutes nos équipes qui vérifient. Effectivement, Asdor Expert. Ark Nova, ouais. Et plutôt vendu par Xavier, par 2-3 personnes, et puis grosse hype. Hein, non, c'est un bon gros jeu, comme on les aime, avec un thème sympa, le matériel de qualité, pour des parties plutôt longues. Hein. C'est plutôt du 2-3 heures. Ouais, 3 heures plutôt. Hein. Je pense que quand c'est le genre de jeu, quand tu le connais très bien, tu enlèves une heure, mais... c'est plutôt 3 heures plus, hein. Je pense qu'on a passé plus de 3 heures à table sur ce jeu. Ouais, à 4, on a passé plus de 3 heures. Bah, c'est ce que je reproche à ce jeu. Moi, j'aime pas tant que ça. Ce que je reproche, c'est dès que les gens ils connaissent, ils savent quelle carte ils attendent pour avoir un combo. Et en fait, je pense que c'est tous les jeux comme ça, où ceux qui connaissent le jeu, ils sont avantagés. Mais malgré toutes les cartes qu'il y a, dès que tu as fait quelques parties, que tu connais les gros combos, et en fait, tu as trop tendance à les attendre et à dire aussi, ok, je vais faire ça, cette partie-là, et que tu prévois un peu tes coups d'avance. Quoi. Parce que tu as fait plusieurs parties, toi ? Ouais, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais ça fait au moins 3 ans, je crois. J'ai fait pas mal de parties sur les 3 ans. Et en fait, là, je me suis rendu compte de ça ce week-end. J'en ai refait une, enfin, ce week-end à la Route du Rhum. Et pourtant, j'aime bien les gros jeux comme ça, mais j'accroche pas plus que ça. Il n'y a pas un truc. En plus, frustrant, je trouve que souvent les gros combos, quand tu connais pas les cartes, ils arrivent rarement par hasard. Et du coup, moi, à chaque fois, les parties, on a tendance un peu à galérer, à attendre des cartes, à essayer de broder un petit truc, mais jamais de grosses dingueries. Et du coup, je trouve que c'est toujours un peu frustrant, un peu mou. Moi, j'ai trouvé, au contraire, moi, je trouvais qu'on construisait un peu nos builds, ils étaient plutôt pour les 2-3 prochains tours. Oui, il y avait une couleur globale qu'on construisait, mais qu'en gros, de toute façon, des animaux, fallait les recycler. Enfin, moi, j'avais prévu de les recycler plus ou moins. Parce que le thème est toujours un peu chiant, parce que c'est gentil, il faut construire un zoo. Mais comme c'est un jeu gentil pour l'environnement et tout, en fait, il ne faut pas les garder capturés, il faut finir par les libérer. À la fin, pour qu'ils les remettent dans la nature et tout. Moi, ça a un peu tendance à me gonfler cette vibe où il n'y a que des jeux éco-trucs. Où il faut être gentil avec tout le monde. Tu sais, on parlait de le jeu sur le capitalisme auquel on jouait avec Alexandre, et qui est un jeu où tu joues un gros salaud, et en fait, ça défoule, mais d'un autre côté, ça dit bien plus de l'humanité et de notre société qu'un jeu qui veut lisser un peu les choses. Et, enfin voilà, moi je trouve ça plus intéressant. Après, ça me gave un peu ce thème tout gentil. Mais ce qui m'a gêné le plus, c'est que j'ai trouvé un peu trop long. En fait, je pense que quand je regardais la piste, il faut que les deux compteurs se croisent au milieu. Alors, j'avais l'impression qu'il y avait une heure de trop, en fait. La partie était peut-être jouée même une heure avant la fin. Et en fait, on savait ce qui allait se passer, on attendait juste les cartes qui tombent. Enfin, je trouve qu'effectivement, t'as dit mou, c'est exactement ce mot qui m'est venu à l'esprit à la fin de la partie. Je trouve ça un peu mou comme jeu. Pour un jeu long, c'est un peu dommage. C'est vrai qu'on était 4 et pour une partie de 4 joueurs, moi c'était la première partie à 4 joueurs que j'avais fait. J'avais fait beaucoup de parties à 2 joueurs. Et c'est vrai qu'à 4 joueurs, effectivement, le début est intéressant, mais au milieu, on est sur un plateau. Et en fait, ouais, on savait qu'il avait gagné, quoi. On ne pouvait pas vraiment remonter. Et c'est vrai que c'est compliqué après de changer la donne, en fait. C'est moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Et d'ailleurs, je crois qu'un des une des améliorations qu'ils ont apportées avec la nouvelle extension d'Ark Nova, là, qui est basée plus sur les animaux marins, tout ça, c'est de dynamiser la partie rivière du jeu. Donc là, la partie rivière, c'est les cartes qui sont sorties au fur et à mesure de la pioche. Et qui forment la rivière, qu'on va pouvoir prendre dans la rivière directement nos cartes. Et cette extension a des mécaniques qui permettent de faire dérouler plus vite la rivière et de pouvoir avoir plus de cartes, plus de choix, quoi, en fait. Et ça, je pense, c'est un gros plus qu'ils ont trouvé pour justement pouvoir, je sais pas, dynamiser le milieu de partie, milieu fin de partie, quoi, pour qu'on puisse s'adapter un peu plus en cours de partie. Ouais, ce que tu dis, moi j'aimerais bien y jouer à deux, effectivement. Et par contre, j'y rejouerai bien, tu vois, parce que je premier aperçu un peu tiède et je referais bien une partie à deux spécifiquement. Ouais, il se joue très bien à deux. Et il y a un petit aussi de choses qu'on n'a pas exploré quand on a joué à quatre, parce qu'il y avait trois débutants. C'est on a pris le plateau débutant. Ouais. Donc tout le monde a le même. Ouais. Mais en fait, t'as, je crois, dans la version de base, t'as au moins 8, il me semble, plateaux complètement asymétriques, en fait. Hein. Chacun peut avoir un plateau différent. Et là, ça apporte une autre dimension au jeu, un côté plus dynamique. Et ils ont chaque plateau ont peuvent avoir des pouvoirs spécifiques. Voilà. T'as un pouvoir parce que tu vas être un plateau. Voilà. Bon, on aurait dû lâcher tout de suite la version débutant, quoi. Ouais, on aurait pu directement pas passer par la case plateau débutant et passer par ça qui rajoute de l'intérêt. Qui rajoute ouais, de l'intérêt. L'intérêt. Voilà. Bon allez, deuxième dixième, parce qu'il y en a plein. Les contrées de l'horreur. Ah ouais. Alors Arkham, il y a eu voilà, dixième place, hein, donc pas mal. Qui est une variation d'horreur Arkham sur la planète entière. Je pense, enfin pour moi, c'est un petit peu une version, nouvelle version de la V2, un peu. Donc en peut-être un petit peu plus rapide, en plus parce que tout est accéléré en fait, Benoît. C'est tous les effets sont bien plus forts en fait dans cette version, donc en fait la partie est un peu accélérée. Alors, on a perdu lamentablement, mais apparemment c'est cette version cette nouvelle vision d'horreur Arkham en fait, hein, qui se passe sur la planète entière. Est très difficile. Apparemment, c'est très très très rare de gagner. Bon, ce qui respecte hein, oui. la philosophie de Arkham, hein, j'ai envie de la série. Ouais. Ouais. Ça t'a séduit, toi, cette version? Moi, je ne le connaissais pas. J'étais de Arkham V2, V3. Et c'est vrai que je l'ai trouvé différente. Alors, elle est sortie quasiment en même temps que la V2, hein, si je ne me trompe pas. Un peu après. Un peu après, là, il y a quand même quelques années au compteur, mais franchement, elle se joue très très bien. Il y a eu des extensions aussi. On a joué avec toutes les extensions, donc je pense qu'on a pris la version cauchemar du truc. Mais franchement, c'est bien, je rejouerai avec plaisir. Alors, dans les dixièmes places, il y a d'autres gros jeux. Il y a Lords of Waterdeep, auquel je n'ai pas joué, qui est un jeu Donjons et Dragons, et dont on m'a... il n'y a eu qu'une partie, donc ça veut dire que la moitié de la table qui a joué a voté pour lui. Le jeu suivant, je pense qu'on est plusieurs à avoir joué, c'est le Terraforming Mars Ares Expedition. Pareil, il n'y a pas eu tant de parties que ça, et je pense à moitié des joueurs qui ont joué ont voté pour. Moi, j'ai été j'ai trouvé très, très bon. J'ai trouvé que c'était une très bonne variation de Terraforming Mars, plus rapide, avec des gimmicks un petit peu différents, un feeling un petit peu différent, et je l'ai trouvé très très efficace en fait. Ouais, j'ai bien aimé. C'est vrai que sur le coup, je me disais, mais ça va jamais décoller, quoi. La partie, en plus, moi, j'avais jamais joué. Ah oui, j'ai pas joué à Terraforming Mars. Ouais. Voilà. Donc je découvrais l'univers, mais j'avais vraiment l'impression que ça allait mettre beaucoup beaucoup de temps. Alors je me suis dit, ça avait un côté un peu lassant, et puis en fait ça décolle, quoi. Le truc, à un moment, ça s'emballe même. Ouais. Et la fin de partie, elle est ouf parce que tout augmente en quelques tours, là où la température ça augmentait pas, et tout part d'un coup, et en quelques tours ça se finit. Ouais. Je sais pas combien de temps ça a duré la partie là. 2 heures peut-être, un petit peu plus, parce qu'on a lu les règles, on avait pas trop de. Ouais, 2 heures quand même, mais je pense que c'est plus rapide que le Terraforming Mars d'origine. Ouais, je pense que c'est faisable en 1 heure. Franchement, une fois que tu connais bien les règles et tout, il y a le côté sympa où chacun choisit son action, mais de manière cassée. Ce qui fait qu'on peut avoir tout à fait une redondance d'action. Il peut y avoir 2 personnes qui ont mis la même action, mais on la jouera qu'une fois pour tout le monde, cette action. Ouais, elles sont collectives, les actions. Donc, c'est qu'on jouera toutes les actions que tout le monde a choisies, et il faut essayer de choisir des actions différentes des autres pour même s'il y a un boost. Et puis, de toute façon, tu les fais qu'une fois. Ouais, oui. Donc, voilà. Ça, c'est donc, super en fait, sympa, ça, cette mécanique. Ouais, il y a un côté un peu pif en se disant l'autre il va forcément. Il y en a bien un qui va jouer construction ce tour-ci, donc moi je vais favoriser ça à la place. Et puis parfois tu tombes dans l'eau et c'est marrant. Ça, c'est le côté marrant, je trouve. Voilà, bah on vous le conseille. Peut-être un jeu à mettre sous le sapin, je dirais. Pour ceux qui aiment les gros jeux, c'est les jeux de gestion avec des ressources, c'est plutôt bien. Le suivant, je pensais qu'il serait plus haut, c'est Cubitos, qui a été pas mal joué. Enfin, il y a eu des parties que j'ai trouvées plutôt endiablées avec de l'animation autour de la table. C'est un jeu de course. Est-ce que l'un d'entre vous y a joué Une partie, et j'en ai expliqué une. J'ai vu qu'il tournait bien. Ça fait une partie Yo. Ouais. C'est sympa, mais je pense que la rejouabilité est quand même assez limite, quoi. Je pense que tu vois, dans un week-end Route du Rhum, en découverte, c'est pas mal. Après, ça reste un petit jeu de course et de dice building rigolo, quoi. D'accord, j'ai trouvé que les parties étaient peut-être elles étaient pas si courtes que ça pour un jeu de course un peu arcade. C'est assez long, ouais, il faut bien compter une heure et demie. Ok, bon, pour autant, les parties ressemblaient de l'extérieur un peu à Camel Up, avec un peu de folie, un peu d'animation. Donc, dans ce genre de contexte de week-end jeu, ça peut rouler. Ensuite, donc dans les autres jeux, il y a eu Cosmopolite. J'y ai pas joué, mais on me l'a expliqué. Ouais. C'est un jeu où il faut reproduire des menus. Et en fait, tu as quelqu'un qui porte un casque et qui doit retranscrire en fait, à des commis la prononciation. Et eux, ils ont des cartes sur lesquelles il y a les ingrédients du menu. Et en fait, c'est ça, je crois, le jeu. Et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, parce que du coup, c'est un mélange où il y a un mec qui doit essayer de reproduire un nom qui est complètement imprononçable. Et les autres ont une écriture, et voilà. Donc, par contre, j'y ai pas joué, donc du coup, c'est juste que le pitch que je connais, que j'ai eu, qu'on m'a donné, quoi. Effectivement, je vois avec les cartes sombres, noires, avec des illustrations assez sympas. J'ai vu la partie tourner. Quelqu'un qui avait un téléphone avec son casque, effectivement. Il est donc il a pas tant tourné que ça. Il est quand même 10e, donc peut-être à voir. Hein. Acropolis, je crois qu'il est sorti une fois ou deux, et il est aussi 10e. Un jeu que j'avais chroniqué ici et qui pour moi est assez idéal dans sa taille, je trouve intéressant dans ses mécaniques. Je sais pas si vous y avez joué, si vous avez aimé. Ouais, moi j'y ai joué. J'avais déjà joué avant. Ouais, tu l'as acheté. C'est vrai qu'il est il est très sympa. Ouais, il est très très sympa. Il tourne très bien. Ouais, il est sympa. C'est un jeu qui est court en plus. Oui. Donc tu vas acheter tes tuiles en fait, hein, système d'enchères où tu achètes tes tuiles et puis tu construis ton acropole au fur et à mesure avec des conditions. Il y a du lore. Si tu peux expliquer le lore vite fait, Benjamin. Il y a du lore, c'est-à-dire qu'en fait il y a des. C'est surtout un jeu de placement de tuiles. Il y a 5 couleurs et puis donc les points, il faut scorer et le scoring il se fait par rapport au multiplicateur fois le nombre de fois la configuration des tuiles. Et en fait les 5 couleurs c'est 5 quartiers et c'est assez bien fait le thème. Par exemple les quartiers marchands, ils aiment pas la concurrence, donc faut pas les mettre à côté des autres quartiers marchands. Et chaque couleur a un peu sa contrainte de pose comme ça. Ce que j'ajouterais, c'est que j'ai joué récemment avec les règles avancées. Et je pense qu'on jouera que comme ça maintenant, en fait, parce que je les trouve vraiment excellentes. Ça rend le jeu, c'est un poil plus complexe. Donc si vous jouez avec maman, tiens, un jeu à offrir à votre mère d'ailleurs, Acropolis. Ça, c'est, on peut mettre le label. Je pense qu'on peut le mettre. Si vous jouez avec votre mère, non, vous jouez avec les trucs de base, à moins que ça soit. Qu'elle vous défonce à Splendor, au Scrabble, au machin, là vous pouvez y aller, mais avec les règles avancées, on est un cran plus fort. En fait, il y a des contraintes, des triggers à atteindre Par exemple, avoir un quartier d'habitants, d'habitation de 10, taille 10, et ça déclenche un multiplicateur de points. Et chaque quartier va avoir son déclencheur comme ça. Et c'est un multiplicateur x2, hein, donc ça fait décoller les scores. Donc il faut absolument regarder ce que fait l'autre pour limiter un peu les options. Il faut vraiment réfléchir un peu plus à long terme et ça rend le jeu vraiment plus tactique. Donc, je vous conseille vraiment, ça rend le jeu bien meilleur encore, alors qu'il est Et ce débile. qui est sympa dans le jeu, c'est que on peut effectivement construire, mettre les tuiles les unes à côté des autres, mais surtout les mettre en Ouais, aussi. hauteur. Donc ça efface ce qui est en dessous, mais potentiellement, ça te double les points de la tuile en question. Donc tu as envie de monter, mais ça t'écrase le reste. Donc il y a un côté un peu casse-tête quand tu vas commencer à faire ton truc en disant, voilà, j'ai mis ça, mais je vais le recouvrir, c'est con. Donc ouais, non, il est sympa. Ouais, et puis t'as intérêt à monter parce que ça te donne des options d'achat en fait. Ça donne des pierres qui te permettent d'acheter. Le jeu suivant, c'est Codex Naturalis. On en avait déjà parlé, qui est un joli jeu, plutôt deux joueurs. On peut y jouer à quatre, je pense. Petite boîte et très sympa, dans les coderies petits jeux. Donc lui, il a aussi peu été joué avec pas mal de votes. Et Splendor Duel. Alors, des jeux à deux joueurs, c'est rare de les voir dans un truc de week-end comme ça. Moi, je ne l'ai même pas amené, Splendor Duel. Mais c'est un des jeux auxquels on joue le plus ici à la maison à deux. C'est pour moi une grosse réussite. C'est un cran plus co complexe que le Splendor, heureusement. Enfin, heureusement, il est déjà Splendor pour un petit jeu familial à offrir à maman. Ça reste un jeu de très très bonne facture et très intéressant. Et Splendor Duel, je trouvais un cran au-dessus. Et à deux, c'est vraiment un jeu. C'est un véritable must, comme diraient nos amis du cinéma. On arrive à la huitième place. Parce que là, c'était tous les jeux à 10, hein, qui étaient en dixième place. À la huitième place, on a deux ex-aequo. On a Wagic, donc le tournoi de Wagic, qui a eu trois votes, donc pas mal plébiscité, qui a encore été une. Ils l'ont joué très tard la nuit pour pas bloquer les tables, etc. Faire en sorte que les gens puissent jouer. Encore une belle organisation. Et donc huitième place pour Wagic. Et Welcome to the Dungeon, qui est plutôt un petit jeu un petit peu de bluff et de pari, de stop ou encore un peu, où on envoie nos héros dans un donjon et faut enlever des options de notre héros petit à petit pour aller le plus loin possible. Il n'y a qu'un héros sur les quatre joueurs maximum qui va aller dans ce donjon. Et si on y va, c'est que on pense qu'on a suffisamment d'options sur notre personnage, parce qu'au début il y a toute une phase d'enchère où tout le monde va enlever des options sur son personnage et bluffer sur le fait qu'il va aller dans le donjon ou pas. Voilà, donc j'aime bien ce petit jeu. Il sort pas très souvent à la maison, mais voilà, il est en huitième place. Je sais pas si vous y avez joué à ce Welcome to the Dungeon. Ouais, j'y ai joué. Johan? J'ai déjà joué, j'y ai joué, j'y ai rejoué là. Oui, c'est mignon. Après, faut pas enchaîner les parties, quoi. Faut jouer deux, trois parties. Et puis, sauf que moi, je me lasse de ce genre de jeu quand ça dure trop. Enfin, parce que c'est toujours la même mécanique et donc c'est assez répétitif, quoi. Et vu que c'est des parties courtes, Ouais. Mais c'est un jeu qui, à intercaler entre deux c'est parties, bien, c'est pas c'est pas mal. désagréable. Il y a même un Welcome Back to the Dungeon que j'ai volé à Jérôme, donc il faudra que je lui rapporte la prochaine fois. Et ça me fait penser à un autre jeu que je crois que je n'ai jamais vu à la roue du Rhum, mais que je vous conseille, c'est Rumble in the Dungeon. Je crois qu'il y a une version Rumble in the House, où en fait on fabrique un petit donjon avec des carrés, donc ça fait un truc aléatoire. Et le but, c'est de rentrer dans le donjon, de piquer un trésor et de ressortir. Mais en fait, on joue plusieurs personnages de manière aléatoire. En fait, on commence à remplir le donjon avec des petites personnes. Donc il y a, je sais pas, une vingtaine de tuiles différentes. Et on incarne trois ou quatre, je sais plus combien de ces bonhommes, mais personne sait qui incarne qui. Et donc on peut jouer n'importe lequel des bonhommes dans le donjon, même les personnages des autres. Hein, parce que, voilà, on joue n'importe qui. Le but, c'est que ça soit notre personnage qui survive à la fin et qui sorte avec le trésor. Ça, c'est un truc, c'est nickel, c'est parti que 5-10 minutes. Il y a du bluff, il y a du suspense. Rumble in the Dungeon, c'est une toute petite boîte aussi que je vous conseille dans ce genre de jeu rapide et sympa à jouer avec toutes les générations. numéro 5. Cinquième place, il y a trois jeux et plutôt du gros. D'abord, il y a Sight, qui était déjà bien placé l'année dernière et il y a deux ans. Il fait une seule partie. Ouais. Cette année ou... Non, il y a 6 ou 7 ou peut-être un an, je ne sais plus, j'avais fait une partie. J'avais trouvé très très bien. J'avais trouvé vraiment le jeu très bien. Et pour le coup, moi, j'avais un peu... c'était un jour où j'étais un peu fatigué, je m'étais dit, ah putain, je vais devoir apprendre 15 milliards de règles. Et en fait, le jeu est vraiment hyper fluide, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu de ce jeu. Malgré le côté un peu imposant de la boîte et du jeu en lui-même, mais non, il est vraiment cool. C'est pas un jeu qui est compliqué à comprendre, mais de calculer la séquence de ce que tu vas faire, ça demande quand même une bonne présence d'esprit. Je pense que c'est pas le jeu que je ferais fatigué, tu vois. Et c'est très simple. La programmation sur le plateau individuel est vraiment super, je trouve très agréable. Ensuite, on a eu Space Hulk, qui ressort des limbes, qui est cinquième aussi. Il y a eu deux parties, je crois. Donc, c'est un dungeon crawler, quoi. En gros, c'est une simulation du film Alien 2, mais dans l'univers des Space Marines, quoi, de Warhammer 40 000. Donc, on joue des Marines et on doit. Y a des objectifs. Hein, souvent, c'est survivre contre des hordes de xénomorphes aliens. Et ça reste très cool comme jeu, mais du coup, il arrive cinquième sur notre vote. Moi, je trouve que c'est un jeu où la tension est assez bien représentée, en fait, quoi. Je trouve que dans ce jeu-là, vraiment, quand tu joues Space Marine, t'es un peu tout le temps en tension, en mode genre, tu vas te faire défoncer, quoi. Et du coup, non, je le trouve cool. Après, bon, c'est un peu toujours les mêmes tours, quoi. Mais le jeu est vraiment cool quand même, quoi. Et j'ai jamais. Est-ce qu'il y a eu des parties gagnées? Parce que ça, c'est un truc que j'ai jamais vu à Space Hulk. Moi, j'ai pas gagné la partie que j'ai jouée. Je sais pas si la deuxième partie a été gagnée là, mais j'ai déjà gagné une partie il y a longtemps. D'accord, donc c'est possible. Mais après, comme dans Horror Arkham, c'est plus l'ambiance et le truc, et de se faire défoncer par l'exemple, ça fait partie du. L'autre jeu qui est en cinquième place, c'est Earth, qui est pas mal sorti, qui est un jeu de combo quasiment pur. Alors, sur une thématique, encore une fois, de faut sauver les plantes, où il faut. Faut récupérer des essences, de machins, planter, enfin voilà, il y a tout des. En fait, c'est un jeu de méga combo parce qu'on va constituer. En fait, on va acheter des cartes principales qu'on va poser sur à côté de, enfin devant nous sur une grille de, je sais plus, 4x4 ou 5x5. Au final, on va mettre 16. Je crois que c'est 4x4. Et en fait, toutes ces cartes permettent de faire des combos. Donc plus on met de cartes, plus les combos ils seront violents. Donc c'est un jeu à combo et à emballement de ressources et qui est quand même très abstrait. Je trouve que la thématique est un peu plaquée. Donc si on aime les jeux très abstraits, je pense que c'est un jeu très sympa, qui a une mécanique de combo très agréable. Mais comme il est méga abstrait, bah, on en ressort avec pas trop de souvenirs ou pas trop d'émotions, en fait. Bon, ça, c'est ma lecture du truc. Je sais pas si vous avez joué. Benoît, tu avais joué, je crois. Ah, il y avait Diane. T'étais pas là, mais il y avait Diane. Possible. Ouais, moi, j'y ai joué, effectivement. J'ai trouvé, effectivement, je trouve que le thème... Alors aussi, parce qu'on composte en fait les plantes, etc. Donc dans les actions, les 4 trois actions qu'il y a principales, bon bah tu retiens un peu le thème de ça, composter, faire croître ces plantes, etc., etc. Là tu, mais après c'est vrai que chaque carte est détaillée et en fait bon ça apporte pas grand chose le détail de ces cartes, si ce n'est qu'elles ont une couleur qui vont comboter entre elles, si ce n'est qu'elles ont elles sont dans une catégorie qui va comboter. Alors il y a des phrases complètement alambiquées, genre ça doit faire un angle orthogonal entre je sais plus quel critère. Tu relis 4 fois le truc, tu as du mal à comprendre parce qu'en fait c'est un combo bien particulier. Donc en fait, tu vois la puissance du jeu. Plus tu joues, plus tu vois la puissance du nombre de combos que tu vas pouvoir faire. Et ça, c'est intéressant. Là aussi, dans l'esprit un peu casse-tête, c'est intéressant parce que tu peux vraiment faire un gros truc. Mais c'est vrai que la thématique, ouais, c'est pour te faire plaisir un petit peu. Mais c'était agréable à jouer. Hein. C'est un jeu auquel je rejouerai avec plaisir. Plutôt bon jeu, je pense. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Je l'ai trouvé assez équilibré. Les points de victoire étaient quand même assez serrés et tout. Donc il est intéressant. Donc ressortez-le avec un thème mafia ou un thème drogue ou un truc comme ça. Je pense que ça sera plus sexy. On a fini à 5e place et on est dans le top 3 directement. numéro 3. Et en troisième place, donc sur le podium, sur la plus basse marche du podium, on a deux jeux. On a It's a Wonderful World, qui était huitième l'an dernier, qui était déjà en le top 10 et qui était bien placé. Il y a eu quelques parties, et c'est un jeu qui vieillit, en fait, qui passe les épreuves du temps, It's a Wonderful World. Ce qui est assez sympa dans ce jeu, c'est qu'en fait, ça paraît compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça, et c'est très court. En fait, il y a que 3 tours de jeu, si je dis pas de bêtises, et ça t'oblige, en fait, à vraiment être concentré, et c'est assez marrant, quoi, parce que c'est un jeu qui est en même temps complexe parce que tu as beaucoup de cartes et de la structuration de tes actions, mais c'est très rapide. Donc en fait, faut vraiment réfléchir bien comme il faut et être concentré. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais, du coup, ce que tu mets en place, ça arrive vite. Enfin, t'as vite le fruit de ce que tu construis. Exactement. Et si tu te plantes, ben la partie est finie et tu peux en refaire une. Donc c'est des notions de combo, entre tes productions, et c'est vrai que c'est vite, comment dire, c'est assez jouissif, quoi, parce que t'attends pas 25 tours pour avoir tes cartes qui fonctionnent, et ouais, c'est pas mal. Il y a un côté prévisible aussi, c'est que tu sais ce que tu... Enfin, tu construis quelque chose pour un résultat, tu as vraiment le résultat. Des fois, t'as oublié des trucs, donc t'as des machins en plus. Mais oui, il y a un côté très satisfaisant de construire quelque chose, de voir le fruit. Et même si on perd la partie, on est quand même content d'avoir construit une demi-mécanique qui marche. Et puis on peut refaire une, parce qu'effectivement, c'est 45 minutes. Toujours un jeu hyper abstrait, hein. On s'en fout complètement du thème. On produit des petits cubes, et voilà. C'est... Le deuxième jeu qui est à la troisième place, c'est Horror à Arkham, qui est la V2. Il y a eu quand même un paquet de votes pour, alors qu'il y a eu... Je pense que tous les gens qui ont joué à la partie, ou presque, ont été 6 à table, je crois. 5 votes. Il n'y a forcément eu qu'une partie, parce que c'est toujours des parties un peu longues. Même si je crois que ça a duré que 4 heures, non ? C'est duré 4 heures et on a gagné. On a gagné, ouais, on a ressorti la V2. Effectivement, là, c'est plutôt la V3 depuis quelques années qui s'étoffe avec des extensions qu'on jouait beaucoup, qui est très scénarisée, la V3. Et la V2 est beaucoup moins scénarisée et c'est plus chaotique. Et c'est vrai que bon, ça faisait plaisir à tous ceux qui connaissaient Horror Arkham, voire et des petits nouveaux comme oui. Gabi, qui a fait sa première partie à la Route du Rhum. Voilà, je crois qu'elle apprécié. A voté pour aller à la Route du Rhum. Ouais, voilà, et c'est vrai que du coup, c'était une partie sympa à 6, on était nombreux, mais ça a tourné quand même assez vite, et puis on a gagné, ouais, non, ça faisait plaisir de retrouver la V2. Et pourtant, c'était tard, et c'était dur, hein. La fin de partie était vraiment, on était au bout de la nuit. Hein. C'est vrai qu'on avait déjà tout donné la nuit d'avant, du coup, voilà, tu rembrayes, tu te dis, faut le faire. Ouais, carrément, quoi. Mais... On peut pas faire une route de rock. Mais ça me donne envie de, tu sais, de faire un Horror Arkham sans pression de temps ni rien. Tu sais, de passer l'après-midi, soirée dessus. Ça me fait un peu rêver de retrouver ces conditions de jeu. Troisième Horror Arkham. Donc, je sais pas quel âge il a ce jeu. Il a 15 ans maintenant, peut-être. Je sais pas. Mais voilà, toujours là. Attends, je te dis, c'est 2005. 2005, il y a quand 18 même. Ans. Oh, ouais. C'est dingue. Ouais, voilà. Quand même. Voilà. Ouais. Il est troisième. Après, voilà. Numéro 1. On arrive en tête, donc sur les deux jeux ex aequo qui gagnent le titre de meilleur jeu de la Route du Rhum. Donc il y a Exploding Kitten qui est premier ex aequo. Qui a eu pas mal de votes, 7 votes, donc vu qu'on est 30, voilà. Vous avez un quart des votes, un quart des gens qui ont voté Exploding Kitten, un cinquième, on va dire. Je suis pas sûr qu'on ait grand monde pour le défendre ici. Pas, non. on va dire que c'est un jeu qui a les qualités de. En fait, de l'ambiance à table, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes avec des bons copains. Que vous avez de toute façon prévu de bien rigoler, que vous avez une bonne bouteille et que vous passez déjà une bonne soirée, ça se passera bien. Je pense que c'est un jeu qu'on peut sortir dans ces conditions-là et qui peut fonctionner. Voilà, j'ai dit du bien de Exploding Kitten. En fait, c'est les trucs que tu vends parce que c'est rigolo, les chats explosent, mais il n'y a pas un gameplay. Enfin, c'est moins bien que Time Bomb, enfin, dans le même genre de kiff, quoi. C'est moins bien que plein d'autres trucs et c'est rigolo parce que les chats explosent, mais bon, allez. Ouais. Oui, on t'entend, Benoît. Ouais, désolé, petit technique. Tu voulais dire du bien d'Exploding Kitten ? Oui, je voulais dire du bien. Je voulais dire que les illustrations étaient quand même, effectivement, c'est un jeu apéro, donc quand tu vois les illustrations, c'est marrant. Voilà, je trouve que les illustrations sont assez fun. C'est sur le thème chat, donc forcément, ça prend, quoi. Alors, ça prend. Voilà. Pour les gens qui aiment du chat, comme les chats, quoi. Ouais, mais même les gens qui n'aiment pas les chats, parce que du coup, le but, c'est de les. Enfin, au final, il y a beaucoup de chats qui explosent, quoi. Donc, il est premier, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont éclatés dessus. L'autre jeu qui est numéro 1, qui est pour moi une grosse surprise, je n'y ai pas joué, mais j'aimerais beaucoup, du coup, y jouer, c'est Deep Rock Galactic. Oh non, c'est pas vrai. Incroyable. Et c'est plutôt une surprise parce que c'est un gros jeu à figurines et c'est rare. Qu'on ait des gros jeux à figurines dans qui figurent bien dans les classements, chez nous en tout cas. C'est ici d'un jeu vidéo en plus. Alors, rien que de voir le plateau, ça m'a vraiment donné envie d'y jouer et ça m'a même donné envie de jouer au jeu vidéo. Ouais, t'es devenu un fou fan du jeu vidéo là. Donc je me suis mis sur le jeu vidéo et j'avoue, le jeu vidéo est excellent. Et quand je repense effectivement au plateau et tout, que j'ai pu voir, de voir les parties se dérouler, ouais, je me suis dit vraiment, j'y jouerai avec plaisir, je pense. Je pense que. Il a été en plus apprécié par, il a été voté hein, comme ça, c'est que, ouais, il doit être vraiment bien. Donc en fait, c'est un jeu coop. Enfin, on en parle au travers du prisme du jeu vidéo, parce qu'on a joué au jeu vidéo tous les deux, mais pas au jeu plateau. C'est un jeu coop où il y a quatre nains qui vont miner pour aller récupérer des cristaux, des trésors, etc. Et en fait, il y a un côté un peu compte à rebours, c'est que plus on va avancer dans l'excavation, plus il va y avoir de dangers, des créatures, etc. Et il faut coopérer pour détruire les créatures, parce qu'en fait on joue des classes qui se complètent. Donc j'ai l'impression que dans le jeu de plateau c'est exactement ça. Et il y a un côté, il y a un moment où il y a un point de non-retour, il faut récupérer nos trucs et se carapater très vite parce que ça devient l'enfer. Et j'ai l'impression que le jeu de plateau, les parties, elles duraient une heure ou moins. Ce que j'ai trouvé incroyable, enfin les gens étaient assez étaient hyper contents en sortant de la table, ça veut dire que j'ai l'impression que c'est réussi cette partie collaboration, la partie action est réussie, ce qui n'est pas toujours gagné hein, pour un jeu de figurines. Et le matériel est beau, et puis voilà. Meilleur jeu. Ouais, je crois que c'est vraiment une conversion réussie quoi. Il y a ça aussi, c'est que des conversions de jeux vidéo jeux de plateau réussis, il y en a pas des tonnes, donc celle-là elle a l'air d'être c'est coché quoi. Celle-là elle est bien. Voilà. Ouais, parce que Guillaume il en a ramené de temps en temps les Bloodborne, Dark Souls, ouais. Je sais pas s'il les a gardés, mais c'est des jeux qu'on a vus une fois, qui ont été peu joués, les retours étaient bof, et là celui-là, voilà. Celui-là, c'est la bonne. Donc Deep Rock Galactic, meilleur jeu de 2023, Execo Exploding Kitten. Petit détour vers les pires jeux. On va tous les citer. Donc dans les pires jeux, il y a eu un seul vote pour Unstable Unicorn, Horreur à Arkham, Camelot, pour l'Assemblée Générale, mais ça c'est normal, pour Ark Nova, tu vois, il y a eu un vote pour Ark Nova en pire jeu, et le Uno, je ne savais pas qu'ils avaient joué au Uno, deux votes pour Terra Mystica et Wajik, ça c'est pour le troll. Comment Terra Mystica, c'est le jeu où il y a eu le badge. Il y a eu le badge exploration. Bah oui, mais Wajik, tous les ans, il y a des trolls. Hein. Il y a des mecs qui votent pour. Non, je m'en fous de Wajik. Moi, je parle de Terra Mystica. Ah oui, bah, Terra Mystica, écoute, c'était la partie exploration. On n'a pas expliqué, mais il y avait des badges cette année pour les gagnants des concours, etc. Il y avait un badge exploration dans la boîte de Terra Mystica. Ah oui, donc ils ont juste voté qui était pire jeu parce qu'ils n'ont pas gagné le badge. C'est des rageux. Non, pas du tout. C'est que du coup, ils ont dû faire une partie Terra Mystica pour gagner le badge. Et j'ai pas l'impression que c'était une partie hyper fun. Alors, soit il y avait un problème de... Parce que c'est le genre de jeu où il faut qu'il y ait quelqu'un qui explique bien les règles, il faut qu'il y ait quelqu'un qui... Et ça n'a peut-être pas été le cas. J'ai fait ce que j'ai pu pour expliquer mon jeu. Ouais. Mais c'est pas un jeu facile à expliquer. Ah non, c'est clair. Après, c'est tout aussi compliqué que Projet Gaïa. Je ne sais plus qui a expliqué Projet Gaïa. Mais... non, je ne sais même plus avec qui j'ai joué, mais je ne sais plus avec qui j'ai joué à Terra Mystica. Mais c'est très simple. Moi, j'avais déjà joué à Terra Mystica et à Projet Gaïa. C'est pas. Enfin, disons que pour moi, c'est un accident qui se retrouve là. Hein. Ne t'inquiète pas. Hein. C'est un super jeu, Terra Mystica, et avec ses différentes façons de scorer, cette espèce de chaos sympa sur le plateau. Effectivement, peut-être une condition de partie qui veulent ça. Je ne sais pas. Et le pire jeu qui obtient 4 votes, c'est Exploding Kitten. Et donc, on est un peu. On est un peu dans la même configuration que l'an dernier avec Bouzen Memory qui rafle les deux. Là, on a une tradition qui se poursuit avec Exploding Kitten qui chope meilleur jeu et pire jeu en même temps. Voilà, donc si vous offrez un Exploding Kitten, il faut mettre les deux stickers dessus, meilleur jeu, pire jeu. Le label découverte rapidement, ben il y a eu plein de jeux qui ont été cités, le Terraforming Mars, Ares Expedition, Terra Mystica, tu vois, qui a été aussi dans les découvertes. Race for the Galaxy, Sight, Uptown, Deep Rock Galactic, Ark Nova, Lacrimosa, Perudo. Mais celui qui a eu le plus de votes, c'est Earth, dont on a parlé tout à l'heure. Donc le jeu découvert de l'année, c'est Earth. Donc le jeu de combo de folie, de combo explosive et de placement de cartes, avec un vague thème compostage collection d'arbres. Voilà pour le... L'an dernier, c'était Ansa Teutonica qui avait gagné le titre de meilleur jeu. Cette année, c'est donc Deep Rock Galactic et Exploding Kitten. Bravo à eux. Les ventes de ces jeux vont exploser dès ce soir. Hein, c'était 200%, je crois, pour Ansa Teutonica. Il y avait plus de j'ai essayé de trouver une boîte à Noël l'an dernier, c'était pas possible. Hein. Donc l'effet était fou. Bouzen Memory, j'avais acheté une boîte d'ailleurs. T'avais trouvé Bouzen Memory? Oui. Bah, il se commande sur le site de l'éditeur, puis il était aussi sur Amazon. C'était assez facile à trouver. Ok. Voilà pour ce palmarès. Est-ce que vous avez un mot de la fin? L'année prochaine, il faut que ça soit plus long. Un jour de plus. Ouais. Histoire qu'on ait un palmarès avec des jeux, un top 3. Non, c'est pas possible, je pense qu'on aura toujours un jeu à la con dans le top 3. C'est le côté troll aussi du truc, quoi, et des votes. Ouais, je pense qu'il y a du troll hein, quand même dans les meilleurs jeux quand même. Mais je pense pas, je pense vraiment qu'ils ont passé un bon moment avec Exploding Kitten. Hein. Les parties étaient quand même assez animées. Hein, donc, pour ça, je pense que ce jeu, il a eu. Il y en a 7 qui ont passé un bon moment et 4 qui se sont pas trop amusés, quoi. Ah, c'est ça. Ou 4 qu'on vu les comptes et qui ont dit oh putain, on peut pas laisser Exploding Kitten en meilleur jeu, faut absolument qu'on vote pour lui. Je sais pas. Non, mais ça, c'est les jeux là qu'on Bouzen Memory, c'était pareil. Après, pour une boîte de Deep Rock Galactic, tu peux t'acheter 10 Exploding Kittens. C'est vrai. En plus. Pour info. 10. Alors, c'est compliqué, mais bravo à lui. Eh ben, merci à vous tous. Et on se retrouve bien vite pour un week-end jeu, pour la route du Rhum l'an prochain. Voir où c'est et quand c'est. Et puis le podcast, ça sera le prochain épisode sera une route des chansons nulles. Voilà, que vous attendez tous. À peu près ce qu'on fait de mieux. Ou de pire. Allez, bonne Salut. Bonne soirée à tous. Salut.